Quelqu'un sait c'est quoi le mode pour enregistrer par-dessus la piste de fond? Salut Mike. Thanks. Meditation. Oh putain, guitare, il fait chier. Thank you. Bon courage, Bilos. ingénieur informaticien. Je suis ingénieur, ingénieur informaticien. Je suis. Je vous embrasse. Ciao. Merci pour mon anniversaire.